C'est le prince d'Adj. D'Adjou. Je vais vous raconter un peu l'histoire de l'album. C'est un album assez personnel et général en même temps. Je vais vous raconter plusieurs histoires dans l'album. Il y en a qui me concernent, d'autres non. Je vais vous laisser deviner ce qui me concerne ou pas. 2017, c'est une grosse année pour moi. Je me suis lancé en solo. J'ai lancé mon premier single, Reine. J'ai eu mon premier single d'or. Je me suis marié. J'ai eu une fille. J'ai une fille aujourd'hui. Une princesse. Et elle m'attend là d'ailleurs. Donc j'essaye de terminer l'album rapidement pour pouvoir la rejoindre parce que c'est ça, être un gentleman 2.0. Je rentre pas forcément dans les codes, je suis pas en costard cravate, je tiens pas la porte, je tiens pas la chaise. Mais je suis là pour mes proches, pour ma famille. Je travaille pour eux, je vis pour eux, je tuerai même pour eux. Même si j'arrive pas forcément à le dire, j'arrive à le chanter en tout cas. Et on est plusieurs comme ça. Donc je vous laisse découvrir l'album et vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle d'un gentleman 2.0. C'est le prince d'Adj.